décès du président Barré est intervenu à un moment où le Niger se trouve dans une situation difficile. Ces difficultés sont d'ordre économique et financier, mais surtout politique et sociale. Les forces armées nationales ont, à la suite de consultations avec les partis politiques, la société civile, ont donc décidé d'arrêter cette dérive, de prendre leurs responsabilités pour mettre le pays sur les rails.